C'est fou, les extrêmes, ça nous anime. C F O U 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui est Assemblage requis. Simon Fitzbeat sera des nôtres pour une nouvelle édition de sa chronique musicale Fitzbeat. On parlera d'art et spectacle avec Alexandre Carignan et le temps d'une culture, et on reviendra sur les spectacles de Rouge Pompier et d'Olinéa dans Ajoute ça à ton agenda. Assemblage qui commence maintenant. Bonjour, bienvenue à l'Assemblage requis en ce lundi 22 avril 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Salut Jean-Philippe, heureux de te revoir. Oui, comment ça va? Ça va très bien, on s'est vu samedi soir, c'est ça? On s'est vu beaucoup, on se voit trop, là, on est rendu comme un petit peu trop habitué de se voir, là. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, oui, grosse semaine de spectacles. Ça n'a pas l'allure de l'impro par-dessus de l'impro, des spectacles par-dessus des spectacles, on ne se retient plus, on sort. Pac, pac, pac. Les gens vont dire qu'à Trois-Rivières, il ne se passe rien, mais comme tu as dit, et je cite, pac, pac, pac. Et voilà. Donc on va parler de ces spectacles-là qu'on est allé voir, Rouge Pompier, Olinéa, on a créé un monstre, Charlie Foxtrot, dans les mythes. Name it. Ils étaient là. Name it. C'est ça. Donc, dans la chronique, ajoute ça à ton agenda. Mm-hmm. T'as jamais entendu ça parce que c'est nouveau. Oui, je sais. J'ai vu ça hier soir. J'étais excité. C'est merveilleux, hein? Oui. Très bonne idée. Ben, belle fun. Avant ça, à 7h30, Simon Fitzbeat sera là pour Fitzbeat, sa chronique qui est musicale. Et aujourd'hui, Simon Fitzbeat nous parle, entre autres, de Ghost Pal. Ça m'intrigue, Ghost Pal, comme un ami, ami fantôme. On avait des correspondants dans le temps, dans les petits magazines. On pouvait se trouver des correspondants quand il n'y avait pas d'Internet. Oui. Mais là, avec des fantômes, c'est tout autre chose. À 8h30, Alexandra Carignan et le temps d'une culture. Comme toujours, on parle de plein de choses avec elle, sûrement de la finale ou de la demi-finale, ainsi que la finale de la LIM, la Ligue d'impro mauricienne. Elle est là-dedans, elle. Elle est Bourgogne. Elle a Bourgogne la semaine passée. Mais... J'espère qu'ils ont pris des vitamines parce qu'ils vont jouer contre les oranges. Ouais, OK. Ouais. OK. Non, on se réveille d'une dure fin de semaine, hein, c'est ça. C'est dure fin de semaine qui. On a 20 ans. Ouais, un petit peu. C'est ça. Hier, je pense que j'ai dormi 15 minutes en tout. Oh! Eh bien. Pourtant, t'as l'air en forme. T'es plein de couleurs en plus. Merci. Ben, on dirait, moins je dors, plus je suis en forme. Oh! Plus je dors, plus j'aurais besoin d'encore plus de sommeil pour réussir à reprendre la forme. T'es comme le film, là. Le petit cahier noir, là. Non! Elle joue pour elle. Oui, c'est ça. Oui. Exactement. Exactement ça. Non, mais le film qui naît vieux, puis là, il rajeunit. Là. Oui, ça a l'air bon. C'est quoi, ça, déjà? C'est Benjamin Insulte. Oui, c'est ça. Le pavillon des arts. Oui, il se rajeunit tout seul. Non, en fait, il décrépite avec le ouais, temps, je pense. Ouais, il se rajeunit. Oh, oh, ça, c'était bien. Oh, clever! Mm-hmm. Oh, petit futé! Oui, elle était bonne, ça. Merci. On commence la musique, par contre, avec Chantal Archambault, qui résume notre fin de semaine en disant « Tombé frêle ». Oh! Au 89 FM, c'est à son âge. Ton fusil braqué à mes flancs, j'ai succombé à tes apports. J'ai craqué le bon biscuit chinois, me dictant d'épouser tes bras. Je retiens mon souffle en quittant le bord de ta porte. Déjà grippe à moi, c'est trop plein d'envie de toi. Pour tenir tout ce temps avant que mon corps puisse s'étendre à toi, s'éterniser doucement. plein d'envie de toi pour tenir tout ce temps avant que mon corps puisse s'étendre à toi, s'éterniser doucement. Je retiens mon souffle qui tend le bord de ta portée. J'agrippe à moi ce trop plein d'envie de toi pour tenir tout ce temps avant que mon corps puisse s'étendre à toi, s'éterniser doucement. C'était Charles d'Archambault et Tombé frêle, assemblage requis. Ça résume notre samedi soir, mm-hmm. entre autres. Oui, très beau samedi soir. Oui, avec Oulnéa et tout ça. Ouais. On en parlera tantôt vers les 8h. Et tout ça, et tout ça. Et tout ça, plein d'autres choses, là. Mm-hmm. Mais maintenant, ce que j'ai envie de faire, moi, dès le départ, dès le lundi matin, comme ça, pourquoi attendre pour apprendre, hein? Oui, t'as bien raison. Ça n'a aucune raison. Non. As-tu une raison pour attendre avant d'apprendre? Ben, des fois, ça peut être juste une toune qui part pas ou... Est-ce que tu es en train de me mettre au défi de partir une chanson qui introduirait une certaine chronique? Peut-être. Ben, il va pouvoir partir seulement avec le. Il y a comme un système de détection. Oui. C'est quand tu dis le nom de la chronique, c'est là que ça part. Fait que moi, j'ai fait attention de pas le dire, mais je te laisse le dire. C'est comme un cadeau. C'est comme un cadeau, mais est-ce qu'il faut que je mette. Là, est-ce qu'il y a une mise en scène? Il faut-tu que je fasse une mise en scène? Mais si tu veux, c'est pour toi, là, je peux faire. Silence! Silence! parce que, hein, c'est bien connu, les silences portent conseil. Ça, c'est un fait. Ça marche, pareil. Les silences portent trop pas conseil en passant. En plus, ça a l'air sage d'une même, mais c'est faux. Mais non, c'est parce que c'est pas moi qui fais la chronique, c'est un fait. Ah. Moi, je suis un débutant, apprends-moi. Que des mensonges, toi. Oui, oui, c'est ça. Je vais t'en apprendre sur un poisson qui va te rentrer dans le pipi. Oh. Est-ce que tu connais le candirou? Non. C'est A-N-D-I-R-U. C'est un poisson qu'on trouve dans l'Amazon et il peut nager dans ton urine si tu fais pipi dans l'eau. Il va entrer dans ton système. Ouais. Par ton urine. Candirou. C'est un lierru. Ça a l'air d'un bonbon. Ouais. Mais non. Il y a les saumons qui remontent la rivière. Lui, il remonte les pipis. Une tiruite dans la tête. Ouais. Ensuite de ça, il y a ce qu'on appelle le syndrome Celebrity Worship Syndrome. OK. Ah, attends un peu, je vais le mettre à la fin, celle-là. Excuse-moi. Je sais pas, je vais pouvoir en l'ordre. Je le fais plus tard. Mais retiens ça. Oui. Les sopranoses. L'émission de télé Les Sopranos. En fait, c'est la première émission, la première série télé câblée, okay? Donc sur le câble, pas sur un grand réseau, qui a gagné un Emmy, okay? Pour meilleur drame. Première série câblée dans le temps, Les Sopranos. Mm-hmm. C'est ça. Un Emmy ou un ami? Un Emmy. Un Emmy. E-M-M-Y. Tout à fait. Bon. D'ailleurs, dans Les Sopranos, tout le temps, il y a. Toujours. Il y a un strip club, un club de danseuses, qui s'appelle Badabing. Badabing. En fait, c'est un bar dans Lodi, dans le New Jersey, qui s'appelle Satin Dolls dans la vraie vie. Oh. Satin Dolls, poupée de Satan. J'aime vraiment ça comme nom, Badabing. Badaboum, Badabing. Moi aussi, j'aimerais ça. J'aime ça juste dire Badabing dans le. Parce qu'ils mettent des petites cloches en dessous des tables. Hein? Là, ça fait. Oh, une fille qui danse. Badabing. L'émission pilote de South Park a été fabriquée avec des morceaux de carton ou de papier de chacun des personnages, comme on le voit dans le générique d'ouverture. Chaque épisode, par contre, ensuite de ça, donc après le pilote, qui est le premier épisode, qui était vendu à Comedy Central, le reste a été animé avec des ordinateurs. Mm-hmm. Des scans. Ensuite, quand Charles Darwin a découvert les tortues de Galapagos, on se rappelle Galapagos, il a essayé de les monter. Tic-a-dou, une bonne idée. Badabing! Badabing! Isaac Newton, tu connais Isaac Newton? Oui. Face de la gravité. Il s'est mis une aiguille dans l'œil. Il a mis de la pression sur son œil, OK? Pour étudier l'œil humain et voir comment il perçoit la couleur. Donc, il s'est mis une aiguille dans l'œil. Ça, c'est commitment, hein? C'est... Bravo. Il y a du courage. Ouais. Un couple marié au Royaume-Uni a réalisé qu'ils étaient des jumeaux séparés à la naissance. Oh. Oh, c'est arrivé. Mais ça, tu tombes frêle. Ça, oui. C'est le cas de le dire. En effet. Vraiment, tu t'y attends pas du tout. Non. Un magazine a envoyé un chèque d'une valeur de 13 cents à 12 personnes riches. Et seulement Donald Trump et Adnan Khashoggi, qui est un homme d'affaires d'Arabie Saoudite, ont encaissé le chèque. Donc, Donald Trump, 13 cents, badabing, cha-ching, cha-ching, direct dans la poche, que du profit. Ben, hein? C'est avec des cents qu'on fait des pièces. Ben, maintenant, on peut plus dire ça. Non, malheureusement, c'est avec des rouleaux de 5 cents, j'imagine, qu'on fait des pièces. Bon. Mila Kunis, mon actrice préférée, tu la connais. That 70's Show. Entre autres, Black Swan. Donc, Mila Kunis, elle a émigré de l'Ukraine. Elle a auditionné pour jouer une fille russe qui déménage en Amérique. OK? Mais à la place, elle a été choisie comme elle a joué le rôle d'une Mexicaine. Ah! Ah! Je sais pas dans quel film, par contre. Le mot droid, D-R-O-I-D, s'y fait référence à un téléphone Android. Ça reste une marque de commerce payée de Lucasfilms Limited. Donc, quand les publicités disent droid pour un téléphone Android, c'est quand même un copyright de Lucasfilms. Un iPod datant de 2010 a plus de transistors, c'est-à-dire 256 milliards, plus de transistors que le cerveau humain a de neurones. Ça, c'est 100 milliards. Quand même. Bravo. C'est beaucoup. Wonder Woman a été créée par l'inventeur du polygraphe, William Marston. C'est vrai? C'est pas vrai? On l'a demandé à Marston. dans Superman Returns, Superman se retourne. Non, c'est pas vrai. Le retour de Superman. La map, la carte sur l'ordinateur de Lex dans son bateau montre que Metropolis est vraiment situé à Bayonne dans le New Jersey, si on suit sur la carte sur son, sur son ordinateur. Tu penses que lui avait prévu le coup? Oh. Oh. Ah, bon. Oh. Ça, c'est... Tu te rappelles dans Batman, Christian Bale a une voix très, très rauque. Ouais, ah, oui. Surtout quand il est Batman. Vraiment, oui. Donc, il y a une voix... Christian Bale, en tant que tel, quand il joue Bruce Wayne. Ouais. Bruce Wayne. Sa voix n'est pas si grave que ça. Mais bref, c'est pas la vraie voix de Christian Bale. Il est pas capable de faire une voix aussi grave que ça. Ça a été monté, ça. Ça a été arrangé au montage, finalement. Non. En post-production, comme on dit. Ils ont rendu sa voix plus grave. Il y a un village dans le Nebraska qui a une population d'une seule personne. Elle est mère et elle se paie des impôts à elle-même. Au moins, OK. Ça, c'est fort. C'est vraiment cool. Tant mieux. Est-ce que ça dit le nom du village? Monowi. Monowi, apparemment. Ensuite, ça se pourrait que ce soit pas vraiment ça. C'est dans un commentaire sur Twitter. Prenez pas ça pour okay. Non. Selon ça, c'est pas un fait. Ben, ça reste la chronique des choses véritables et vérifiables. Selon Internet. Oui. Hein? Selon une recherche récente, les enfants qui naissent aujourd'hui vont passer environ 25% de leur vie à regarder un écran. Mm. Télé, téléphone, ordinateur. Ça me surprend que ce soit pas plus que ça. Le 25%, c'est beaucoup. Il doit y avoir un autre 25% où ils regardent le néant quand ils dorment. Oui, exact. S'ils dorment. Les toilettes, ça prend beaucoup de temps. Oui. Surtout avec les... Ah, ben non. Ben c'est ça, les toilettes, maintenant, c'est long. Sauf que... Oui. T'as un écran. Ah, oh, ça, t'as bien raison. Quel est le fruit le plus consommé au monde? Les pommes? Non. Les oranges? Non, trop facile. Trop facile? Des raisins. Plus exotique. Non, non. Plus exotique? Voilà. Les noix de coco? Non, une mangue! Wow! La mangue! Moi, j'avais la réponse. Manquait plus rien. Je faisais tourner le suspense. Le suspense! Mais t'as laissé pogner le jeu de mots, il manquait plus rien que ça. Mangue. Mangue plus rien. Lorsqu'on inclut les viols dans les prisons, dans les statistiques de viol, OK? Il y a plus d'hommes qui sont violés que de femmes aux États-Unis. Si on compte les prisons. Mangue dans le... des miroirs placés proches des ascenseurs. En fait, on place souvent des miroirs près des ascenseurs. C'est un truc psychologique pour que l'attente ait l'air plus tolérable parce qu'on dit que les gens préfèrent se regarder eux-mêmes. Ah, ils aiment ça, se regarder. C'est le fun. Le Japon a au-dessus de 50 000 personnes qui ont plus de 100 ans. On s'entend que c'est beaucoup. Ouais. Ben, ils devraient faire ça à l'école. Je reviens aux ascenseurs. Oui. Parce qu'il me semble qu'ils sont très longs. Les ascenseurs? Oui. De l'université. Ils sont très hauts ou très longs dans la durée? C'est très, très long. Ah, moi, je trouve ça super rapide. Ça me donne mal au cœur à chaque fois. Non, pour de vrai. Moi, il me semble que j'appuie puis j'attends tout le temps comme au moins 20 minutes. Ah, avant qu'elle démarre. Oui. Ouais, c'est ça. Les biologistes évolutionnaires, d'accord, disent que tous les humains, éventuellement, avec l'évolution, vont avoir l'air de Brésiliens. Tout le monde va finir par ressembler à des Brésiliens. Ouais, ben je vais enfin me mettre à bien danser. Mais tant qu'à avoir l'air de quelqu'un, un Brésilien, bon, oui. C'est beau. Ouais. Bon. Et là, on termine avec celui que je voulais dire tantôt avant de passer à la deuxième partie. Mm-hmm. Le syndrome qu'on appelle Celebrity Worship Syndrome, OK? Le syndrome de vénérer des vedettes, finalement. C'est une condition où une personne devient extrêmement obsédée, OK? Et veut connaître chaque détail de la vie personnelle d'une vedette. Mm. Comme mettons, c'est Selena Gomez. Oh, coquin! Oui. Achète une vedette que t'aimes? Bruce Willis. Kevin Bacon. Vu qu'il y a le mot bacon dedans. Ça aurait pu faire un beau lien sur la prochaine. La prochaine. Chronique. Chronique, t'as bien raison. Ouais, mais. Non, mais que je trippe vraiment. Non. Pas très vedette, moi non plus. Je comprends pas. Je serais même pas stressé si une vedette était devant moi. Je serais comme, hey, dude. Salut. Hey, salut. C'était bon ton dernier film? Ouais. Ouais. C'était cool. Ouais. Bravo. Pas regardé au complet. Mais nous aussi, moi, je fais une émission, puis elle est très bonne. Fait que. Oui. on est sur le même pied d'égalité. Tu te complimentes toi-même, finalement, à la place d'attendre qu'il te complimente. Ben oui. Ouais, c'est ton genre. Ouais. Égocentrique. Ah. Donc, en hommage à ce syndrome, voici Paul Amarani et les nouveaux mariés avec Guerre Academy. La chair à canon se recrute sous tous les ciels où il fait pause. Partout. Où tout le monde, jusqu'à l'espoir même, show, on leur fait miroiter une grande carrière déjà toute faite. Les front page, les médailles, comme on le fait aux starlets. On les brainwash pour aller tuer des plus mal pris qu'eux. Soi-disant pour leur patrie, et non pour de vieux milliardaires cyniques, sueur sang et pétrole, et qui dans leurs églises prient, moins qu'ils rigolent. Partout où les scrupules et la décence absolument terre. Show, on leur garantit la célébrité par leur omniprésence dans les médias. Les front page, les médailles, comme on le fait aux soldats. On les convainc, on les aime pour voir. Ah. Et non, parce qu'ils sont de petites foules aux honneurs. Partout où l'on confond couverture médiatique et talent, les clones de Trash TV font au front en chantant. Les qui de la torche chansonnette célèbre l'avènement du règne de la bullshit. Quand face aux charniers, ils s'étonnent de la haine, des pleurs, des cris de cette réalité inhumaine. Ils se demandent où sont passés leur jeunesse, leur espoir, la grande cause. Suis-je victime d'une grande arnaque? Et la question qu'ils se posent, est-ce à la morale ou même à mon pays que j'obéis, ou à des criminels à qui profitent les profits? Je suis devenu une machine à tuer et aucune médaille ne me rendra ni mon âme, ni ma santé. Les marionnettes de la big business sont obsolètes quand tu gémes leur prix. Chansons préfabriquées sont oubliées. Ils se demandent où sont passées leur jeunesse, leur rêve d'être artiste. Je suis victime d'une grande arnaque. Et la question qui se pose quand ils réfléchissent, est-ce mon talent, ma personnalité qui m'ont propulsé ici, ou des kings du marketing affamés de profit? The wannabe has been, tout s'est passé si vite. J'aurais été une vedette, mais j'aurais voulu être un artiste. Les Paul Amarani, les nouveaux mariés avec Guerre Academy, ça a été numéro 5 du top francophone de l'année 2006 au grand complet. Ça. Ah oui? 2006. Au grand complet? Oui. Toute l'année? Toute l'année. Wow! Alléluia! Ah. C'est toujours la chronique, c'est un fait. Et on continue avec le record pour le plus grand nombre de messages textes envoyés dans un mois par une seule personne. OK? Devine c'est combien? Ça doit être vraiment beaucoup. Ouais. Combien de chiffres? Est-ce qu'on... attends un peu. Moi, je me considère que je texte beaucoup. Mm-hmm. Je pense pas topper le 1000. Non, sûrement pas. Mais lui, il doit texter vraiment beaucoup. Multiplie ça par... Est-ce qu'on serait dans les 100 000? Oui. En fait, on est presque dans les 200 000. 182 689 messages textes. C'est le record en un mois par une seule personne. Quand même. Mm-hmm. Puis est-ce que ce qui était tout pertinent? Sûrement pas. Sûrement pour un record Guinness. Tu tapes un peu n'importe quoi. A, B, C, D. L'inventeur du cube Rubik lui-même a pris un mois à le résoudre avant de l'introduire au monde entier, leur présenter son produit. Donc, il a pris un mois à le résoudre. C'est un gros casse-tête, ça, le Rubik. Les gens qui ont les yeux bleus ont une plus grande tolérance pour l'alcool, nous dit une étude. ils peuvent boire plus avant d'être sous le buzz total de l'alcool comparé aux gens qui ont les yeux bruns. Ah, ben. T'as les yeux quelle couleur, ça? Vert. Je sais pas si ça compte comme bleu, ça. Je sais pas. Je suis. Mutation, ça. Tout le monde avait les yeux bruns dans le temps. Au-dessus de 300 livres, d'accord, le président William Taft, de 1909 à 1913, qui était président, donc le plus gros président américain de l'histoire, et il s'est déjà pogné, il s'est déjà coincé dans le bain de la Maison-Blanche. C'est un peu gênant, ça. Ouais. C'est un peu gênant. Mais bon. Ils ont mis du Crisco. Pour le sortir. Est-ce qu'il mangeait du saltwater taffy? C'est taff. Oh, oui. Savais-tu que McDonald's, bon, on sait déjà, McDonald's a déjà essayé la McPizza, si on s'en rappelle tous. J'imagine que tu t'en rappelles toi aussi. Oui. Pizza avec la saucisse, c'était bon. Oui, mais tu vois, moi aussi, je trippais. C'était vraiment écœurant, pour vrai. Là. J'en mangeais quand même tout le temps, mais c'était très long. OK, oui, c'est vrai, très long. À se faire servir. Mais si quelqu'un connaît une pizza congelée qui goûte comme la pizza de McDonald's, s'il vous plaît, call us, maybe. 819-377-583. Mais savais-tu qu'ils ont déjà essayé le Mex Spaghetti? Ah, ça, tu vois. Je sais pas si ça s'est rendu jusqu'au Québec, mais... Mex Spaghetti, pourquoi? Non, non, non. Des croquettes dans de la sauce. Oh, miam, par contre. Oui. C'est spaghetti au poulet, là. Mm-hmm. Petite sauce béchamel, mais à la place de mettre du poulet, tu mets des mecs croquettes, là. Oh, yeah. As-tu essayé la nouvelle petite bouchée de poisson? Non, toi. Non, ça a l'air bon. Meilleur que la petite bouchée de poulet. Il y a déjà des mecs croquettes, pas besoin de petite bouchée, là. Non, non, non. Mais le poisson, ça a du sens. Il pourrait faire des mecs croquettes de poisson aussi. Oh, bonne idée. Ça pourrait s'appeler du mec poisson fish. Mec poisson, mec fish in a bite. Mec fish bite. Oui. Mec fish, ouais. Les éléphants. Les éléphants sont tristes quand quelqu'un qu'ils connaissent meurt. Ils vont même pleurer et enterrer les morts. Les éléphants morts. Oh, c'est un peu déprimant, hein? Ouais. Les mecs croquettes d'éléphants. Ouais. Les talons hauts, à l'origine, on sort du coq à l'âne comme ça, pas de l'air. Ben oui, boum. Les talons hauts, à l'origine, étaient faits pour les hommes. Mm-hmm. C'est un signe de virilité, de masculinité et de haut statut. Là. T'étais haut placé, t'étais un gars de classe quand tu portais des talons hauts. Ouais, c'est pour ça que j'en porte la fin de semaine. Régulièrement. Ben oui. Ça aide moi, je suis encore dans ces vieilles affaires-là. T'es tellement arriéré. Ouais, vraiment. Je suis arriéré, Bono. En Allemagne, un stade de football est directement connecté à un tuyau, une pipeline de 5 km de long pour donner de la bière en continu au stade. Donc, la bière arrive par une pipeline, un peu comme l'huile de l'Alberta aux États-Unis qui va couler près des maisons des Américains. Ouais. Si c'était de la bière, ils ne se plaindraient pas. Il y aurait peut-être des problèmes de vol. Peut-être. Allez, un gros tournevis dans le pipeline. Comme dans une canette de bière. Google a une nouvelle politique, apparemment. Si un employé de Google meurt, son mari ou sa femme va recevoir la moitié du salaire pendant 10 ans. Mm. Bravo. Je trouve ça cool. Un condom peut être utilisé pour transporter 1 litre d'eau. Ah, ça soutient tout ça, tout ce poids-là. Il y a une ville qui s'appelle Delta au Canada. Et là, j'ai pas fait mes recherches. Si tu le trouves, tu serais bien fort. Il y a une ville qui s'appelle Delta au Canada et son code postal est V4G1N4. Si tu le regardes, qu'est-ce que ça donne? Vagina! Déjà qu'il y a une ville qui s'appelle Regina au Canada. Ouais. Et qui est vraiment très drôle à chaque fois. À chaque fois, je me demande, est-ce que c'est Regina ou Regina? Et là, je me dis, ah, c'est vrai, c'est drôle, fait que c'est Regina. Ouais. Dans le doute, le plus drôle l'emporte. Et voilà. C'est quand tu peux faire un mauvais jeu de mots. Ça gagne. En août 2010, un adolescent de 13 ans, britannique, a été frappé par l'éclair, OK? À 13h13, un vendredi 13, il faisait partie de 150 000 personnes à un spectacle de vol d'avion, un truc aérien. Donc, 13h13, le vendredi 13, il avait 13 ans. Il est-tu mort? Ça ne dit pas, mais j'imagine que non. Il n'y a pas son nom, fait c'est difficile de faire la recherche, mais non, ouais. Je sais pas. Il y a ce qu'on appelle un cuddle café au Japon où tu peux payer 6000 yens, donc 77$ pour une heure et tu peux dormir dans les bras d'une belle fille. Ah! Cuddle café, le café de on se colle. Le café du dodo collé. Du dodo collé dans les mains d'une belle fille. C'est le fun, c'est ça, tu peux tout comme dans un vrai café, tu prends une cuillère pour cuillère. Cuillère. Tu peux dormir en cuillère. Ah, en cuillère. Ouais. Ouais, je pense que c'était un jeu de mots de cul, ça. Cuillère ou cul de main, mais on sait pas. Et là, celui-là, le premier commentaire est bullshit. On se demande vraiment si c'est vrai, mais tu sais, je vous en donne une rafale de faits. Il y en a que ça se peut que ce soit pas vrai. On sait pas. T'sais, la plupart ont l'air véridiques, mais à un moment donné, tu peux-tu faire vraiment confiance? Ouais, puis de toute façon, on a juste un été là, pour écrire ça. YOLO, hein? Ben oui, YOLO. Non, mais c'est ça, on les essaye, tu sais. On teste des choses. Ouais, quand on peut. Quand on peut. Hey, comme on devrait les tester pour faire. Comme le petit poisson qui remonte dans la vessie. Ouais. On va t'envoyer en. Là où il y a des cannes d'hirou. Ouais, mais on va peut-être trouver quelqu'un d'autre pour faire ça. David Ferron. OK, donc la poudre sur les chips Doritos, les croustilles, apparemment n'améliore pas vraiment la saveur. En fait, on ajoute ça, ça a vraiment l'air de n'importe quoi, ça. Pour que ça reste sur tes doigts, parce que ça fait partie de l'expérience de manger une Doritos. Est-ce que tu crois ça? Moi, je crois pas celui-là. Je dois l'admettre, je ne le crois pas. De la poudre ajoutée pour que ça reste sur tes doigts, pour que tu aies l'expérience complète de manger Doritos, là. Come on. Mais ça se peut. C'est plausible. Tu sais, on va pas payer des recherchistes pour ça, on n'a pas le budget. Hein? les gens. Je sais vraiment pas quoi en penser. Je m'excuse, Mathieu. Sinon, ça me laisse perplexe. Je te comprends, je l'ai mis dedans. Je me suis dit, attends un peu, je l'ai fait dessus. Tu vas créer tout un débat aujourd'hui. Ouais. Ouais. Doritos. Ouais. Tu sais, je suis comme non. Doritos, c'est même. Mais en même temps, c'est vrai qu'à chaque fois que tu manges des Doritos, t'es comme, hey, tu sais. C'est reconnu pour que ça reste aux doigts. Ça se peut que ce soit comme fait pour être un petit peu plus collant avec la salive, tu sais, parce que c'est comme difficile à enlever de ses doigts, ça part pas de ça. C'est vrai. Là, tu te mets à sucer ton doigt, tu sais. Ça fait partie de l'expérience, c'est vrai que ça fait partie de l'expérience, mais si tu te mets là par exprès, on sait pas. Là. Mm. On sait pas. Les gens qui corrigent la grammaire des autres, OK, ont ce qu'on appelle, c'est une forme de trouble obsessif-compulsif qu'on appelle Grammar Pedantry Syndrome. Ah. C'est un trouble psychologique apparemment diagnosticable, un trouble obsessif-compulsif, de corriger la grammaire des autres. Les souris mâles chantent des chansons d'amour aux souris femelles. En fait, les sons qu'ils font sont ultrasoniques et les humains ne sont pas capables de les entendre. Donc, comment est-ce qu'on a fait pour le déterminer avec des machines, j'imagine? Mm-hmm. Je ne sais pas. Ou on leur a demandé. Ben & Jerry's, la compagnie de crème glacée, enterre ses saveurs discontinuées dans un genre de cimetière dédié à ça. Ils font une funéraille autour de l'enterrement de leur sorte de crème glacée. Walmart fait des chansons pour commencer leur journée. Non. Eux, ils enterrent leurs saveurs. Bon, des rebelles, hein? Ah ouais? Des rebelles. Hey, mais t'es-tu déjà allé chez Ben & Jerry's? Non. C'est bon. Y a-tu ça à quelque part? Ouais, à une boutique, là, genre un restaurant? Je serais convaincu que oui. Yeah. on peut acheter ce qu'on appelle des Gold Poop Pills, des pilules de défécation dorée pour 425$ chacune. Et lorsqu'on la mange, lorsqu'on la consomme, ça va rendre tes défécations toutes brillantes et dorées. Oh! 425$ plus cher payé. Tu sais, sauce cotée sans gang. Oui! Oh, mais là, qui va la manger? Encore David Ferron. C'est le cobaye pour tout. Il y a une condition qu'on appelle Rap Rage, W-R-A-P, Rap Rage. Quand tu ressens de la frustration et de la haine parce que tu es incapable d'ouvrir un produit que tu as commandé, que tu as acheté, par exemple un CD. Rap Rage, la rage de l'emballage. Ça, c'est payé pour les petites choses. Oui, ah non, mais là, par exemple, je sais pas, un bonbon, un œuf Cadbury. Tu sais, les mini. Ah ouais, tu trouves ça petit dur? Bon, comment, c'est bien, ça m'énerve. Mais Rap Rage. Le pire, c'est quand il y a eu un petit peu chaud. Oui. Là, le papier d'aluminium est collé. Ça va au frigidaire, ça va au frigidaire. Ça va au frigidaire. Ça m'inspirait peut-être un rap rage. Mais non, je vais me retenir. Une femme de 51 ans nommée Donna Lange a tué son copain en le suffoquant avec ses seins 38WD. Ah! Hein? Ben, il est mort heureux. Exactement. La vitesse moyenne d'une flatulence qui sort de ton derrière est de 7000 à l'heure. Pas pire, hein? C'est plus qu'un piéton, je pense. Hein? Je sais pas. les négaoliques. OK? Pas néga comme dans... Négawa. Non. Peut-être que tu commences pas. Néga. N-E-G-A. Holic, c'est des gens qui sont accros à la négativité ou au doute de soi-même. Donc, ils trouvent des fautes, des défauts dans tout et ne sont jamais satisfaits. C'est ce qu'on appelle des négaoliques. Mm-hmm. What's up, mon nég? seulement un homme... est né dans les années 1800 est encore en vie aujourd'hui. Sa mort, quand il va mourir, ça va vouloir dire que tout le monde sur Terre va être né après 1900. Ils vont enfin pouvoir changer ça là, dans les... tu sais, quand tu t'inscris sur Internet, tu vas... ils vont pouvoir... dans ton eBay, là. 1899. C'est sûr que lui, il peut pas, là. Une personne. 1800, il est comme... Oh, non! Je peux pas mettre mon âge. Fuck! What's up, nigga? What's up, nigga? OK, compte en commun, la bière. On a presque terminé. La bière, le champagne et le... vagina? Oh. OK. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Au début, là, j'allais dire des petites bulles. Ah. Là, ça marche plus. Mais ça marche quand même. Ah, putain. Dépend ce que tu fais. Un pet à 7000 à l'heure. Je sais pas, moi. Ça a le même taux de pH. Bon. Environ. C'est également acide ou presque. Le pH va entre 4.0 et 4.5 dans de la bière, du champagne et vagina. Qu'est-ce que la floxinosinilipiflification? Je répète, floxinosinilipiflification. Alors, aujourd'hui, pour le test de. Pour la dictée. Épelle-moi ça. Hey, combien il y a de i là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand tu dis je vais mettre les points, c'est i, ouais, dans ce mot-là. Ouais, là, ça veut dire que tu vas perdre ton temps. Donc, c'est un mot de langue anglaise, d'accord, qui veut dire estimer que quelque chose ne vaut rien. Ouais, comme ce mot-là. Lui. Comme ce mot-là. Floxinosinilipiflification. À combien de fois tu l'as pratiqué, ça? Je l'ai pratiqué les deux premières fois que j'ai dit tantôt. Ah oui? Pas les deux premières fois que je l'ai dit. C'est impressionnant. Mais je me suis trompé aussi. Floxinosinilipiflification. Fascinant. Hey, moi, je suis épuisé. Écoute, je le mets dans les meilleurs moments. Ouf. Bon, parfait. Note-moi ça. Donc voilà, pour c'est un fait pour aujourd'hui. D'autres faits, la prochaine fois. On a aussi Kinky Sexy Time à écouter qui ressemble pas mal à ça. Puis une édition spéciale jeux vidéo plus tard cette semaine aussi que je vais faire. Ça fait longtemps que je la garde de côté. Donc voilà. On retourne en musique. On s'en va entendre The Strokes avec un nouvel extrait du palmarès anglophone qui date de la plus récente édition des palmarès, donc la semaine passée. C'est la pièce All the Time. Et restez là parce que plus tard, Simon Fitzbé s'en vient. C'est un pas c'est un fait. Fitzbeat, Colin. Ben oui. Copie-moi pas, Simon. Hey. J'ai copié une de ses chroniques cette année, je me sens mal. Je me demandais s'il y a un jeu de droit. Retour à la chronique musicale Fitzbeat en compagnie de Simon Fitzbé. Ouh, assemblage requis. Hein? ouais, jusqu'à 9h en direct de Trois-Rivières. En direct d'ici. D'ici. C'est le nouveau slogan de Radio-Canada, mais nous autres, on va le changer, nous autres. Ah oui? C'est pas ici, ça va être... Et 7. 7. Bien, oui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage Requis jusqu'à 9h. 7h38, c'est Assemblage Requis. Jean-Philippe Charbonneau est toujours là. Mathieu Plante aussi. Mm-hmm. Simon Fitzbé. Oui, monsieur. Vient d'arriver. Hey, hey! Colin! Parle-moi de ça, toi! Bonjour. Salut. Ça va? Ah, c'est la magie. Je sais pas, il y a eu de magie. La magie de la bonne humeur, hein? Oui. Badabing! Tu gagnais le gros lot, là? Pas du tout. Pas non, du le tout. Contraire, même. Je compterais ça, donc. Le contraire, attends un peu. Donc, t'as vente de... On t'a offert le gros lot, mais t'as dit non, c'est ça? Non plus, non. Ah. C'est, j'ai une dépense qui... En tout cas, on en reparlera. OK. Voici Fitbit. Moi qui pensais que je suis la pause, ça allait être ça. Ça va tard, hein? Moi, j'attends que. J'attends d'aller chercher mes impôts parce que je sais que je vais devoir de l'argent avec ça. Je fais comme. Je reviens ça plus tard. Pour pas avoir justement le contrat. Mais jusqu'au 30 avril hein, pour les envoyer, tes impôts. Non, sont faits. Je vais juste pas chercher les feuilles que j'ai données à mon comptable. Ouais, donc, moi aussi, j'en paye. Mais je savais pas aller jusqu'à vendredi alors que j'ai envoyé mes papiers d'impôts il y a genre un mois. Donc, Simon, c'est la chronique musicale et non pas financière. Non, en ce non, moment. Non. Ouais. Faites-moi pas confiance que si on finance, que vous allez vous retrouver dans le trou assez rapidement. On avait une chronique financière dans le temps et je m'en suis pas rappelé. Alors, l'indice Fitbé en baisse de 4% aujourd'hui. 4.44 et 44. Ouais. Donc aujourd'hui, on parle entre autres de Ghost Pal. On a parlé dans le début de l'émission qu'il y avait un ami fantôme quelque part là-dedans. Casper, où se cache-t-il? Voilà, l'ami fantôme, Ghost Pal. Même pas pensé faire le lien, oui. Faut vous parliez plus fort, parce que j'ai pas d'écouteurs. Non, c'est pas vrai. Ah! Excuse-moi, OK! ça va être déplaisant pour l'auditeur commun! Bonjour, bonjour, auditeur commun. Oui, ben c'est ça, c'est comme sur les ondes de cette station. C'est très générique. Oui, donc Ghost Pal, hein, qui vient de lancer le EP God Save MCFK. C'est le nouveau EP de cette formation brooklynoise Ghost Pal. Il s'agit d'un groupe à mi-chemin entre le soul et la pop indie. La formation qui est menée par Oliver Ignatius, qui a effectivement une approche assez particulière à la musique. En fait, c'est qu'on a l'habitude, bien sûr, d'écrire... on n'a pas l'habitude, mais eux ont l'habitude plutôt d'écrire la musique avec un grand déploiement, donc avec saxophone, section de cuivre. Il y a même des harmonicas parfois dans certaines pièces, mais les gros, c'est pas les petits harmonicas là, à la Neil Young, les gros harmonicas chromatiques avec toutes les possibilités de tonalité, de son. Tu pourrais quasiment tuer quelqu'un, ce serait donc une harmonica. Donc, ils ont l'habitude vraiment d'aller faire une recherche instrumentale et musicale qui est un peu plus impropre à ce qu'on appelle normalement la musique populaire, en gros guillemets. Le groupe, donc, m'avait vraiment impressionné avec l'album Nathan Jones is Dead, qui avait paru en septembre 2012. C'est un album concept qui suivait les aventures de Nathan Jones, bien sûr, dans l'au-delà. Il meurt au début de l'album, là, il se promène dans les lignes et tout. Okay. C'est un peu intéressant. Justement, avec une approche multidimensionnelle à la musique qu'on avait sur cet album-là. Il y avait des touches de pop intéressantes qui rejoignaient parfois le son des Beach Boys ou celui d'Off Montreal avec une dose saine de R&B. Les mélodies étaient très, très, très intéressantes et très bien tournées. God Saves MCFK, plutôt, c'est un bon EP, mais il manque de profondeur, la profondeur qu'on trouvait sur un album concept comme Nathan Jones. Bien sûr, il y a certaines pièces qui sont franchement intéressantes. L'inventivité, entre autres, d'Ignatius est vraiment là, est vraiment très, très chouette. Il arrive encore à nous éblouir. Malheureusement, il s'agit d'un album qui est inégal, qui commence tranquillement et qui se termine sans une réelle explosion. Ce qui m'a un peu déçu, en fait. Certaines pièces valent le détour, mais c'est assez difficile, par contre, de trouver un genre de stabilité dans un EP d'une quinzaine de minutes, ce qui est quand même pas long non plus. J'ai bien aimé, donc, les deux dernières pièces de l'album, dont une qu'on va l'entendre tout à l'heure, Everybody Knows, et ici que Raja's Song, Hold On My King, comme tu sais, le titre, là, entre parenthèses. Oui, oui. Okay. Pourquoi que c'est là, tu sais, des fois, là. Dans l'ensemble, je suis pas vraiment impressionné par ce EP-là. Par contre, je reste optimiste que le groupe nous réserve encore beaucoup de matériel dans l'avenir. Et soulignons d'ailleurs que c'est un EP réalisé avec peu de budget. Gospel a réussi des petits miracles avec pas grand-chose. L'album est disponible sur Bandcamp en échange d'une contribution volontaire. On va en entendre justement un extrait de cet album. Il s'agissait donc de la formation Gospel, formation de Brooklyn qui nous encensait donc avec leur album, leur EP God Save MCFK. À connaître, franchement, à découvrir, ça s'appelle Everyone Knows, cette pièce qu'on vient d'entendre. Par contre, je vous suggérais vraiment d'aller entendre, et je pense que vous pouvez vous procurer encore la contribution volontaire, leur premier album, vrai album complet. Nathan Jones is Dead qui est paru au printemps. Non, vous risquez de faire le saut. Ah ouh, fantôme. Ouh, ah ouh. Non, mais ça fait pas peur. C'est pas de la musique style Halloween et tout. Non, non, non, non, non, mais non. Pas d'effet sonore là-dedans, de porcs qui grincent. Oui. Des loups. C'est quand même bien fait, ces albums-là, de Halloween, ces cassettes-là, de porcs qui grincent justement et tout. Et on peut les imiter avec nos racks à micro. Ils grincent aussi. Ouais. Oui. J'en avais un, mais c'était le même. Je vous l'apporterai, on l'écoutera. Cool, on se fera un blitz. Un party de... On va jouer à ça pour que ça se retrouve dans les palmarès. Oui! Tout le temps. Non, mais s'il peut avoir le Noël du campeur, il peut avoir l'Halloween de l'été. Ouais! Pas de raison pour manger des bonbons. Et voilà. Donc, toujours dans Fitbit avec Simon Fitbit. Oui. Et justement, restons dans le thème des fantômes et des morts et tout, puisqu'on va aller vers le groupe Cadaver. Oh, là, attends un peu, là. C'est-tu assez concept? Ça manque c'est de Bloody. Concept. Bloody Cadaver. Hein? Bloody Cadaver. Non, c'est pas ça. C'est juste Cadaver. Ça a l'air métal, du moins. Tu me fais peur. Oui, mais c'est ça. Moi, je pensais que c'était une formation métal, effectivement, oui. quand j'ai mis la main là-dessus. C'est comme mais... le Dying Fetus, là. Ça sonne comme ça. Ça sonne dans le genre, ouais. Mais non, c'est une formation de stoner rock, en fait. OK. C'est proche du métal, mais c'est pas du métal. Ça, stoner rock, c'est du rock de drogué. Ouais, exactement. D'une certaine façon, c'est des gens qui aiment bien faire la fête et se droguer. Manger des bonbons. Manger des bonbons de différentes formes, différentes couleurs, différents goûts. L'album s'appelle Abracadaver. Abracadaver? Ah, c'est un jeu de mots! Oui, wow. Oui, c'est très bien fait. C'est du stoner rock, comme je disais, qui donne un peu aussi dans le rock psychédélique. Écoutez, les gars, si vous cherchez du rock and roll, vraiment du rock, vous allez le retrouver sur cet album-là d'Abracadaver. Il s'agit d'un album très, très puriste. C'est-à-dire qu'on sort pas des chantiers battus. On réinvente pas la roue chez Cadaver, mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de le faire à chaque fois? C'est le genre de questions qu'on peut se poser et c'est ce qui rend le tout plus intéressant, c'est qu'on revient vraiment aux bases. À la source. À la source, exactement. On nous propose un son très, très classic rock et qui plaira assurément aux amateurs de musique des années 70. La guitare est extrêmement efficace là-dessus, la basse est omniprésente et la batterie sonne comme une tonne de briques. On a vraiment l'impression d'entendre quelque chose enregistré à l'époque où le hard rock était roi, vraiment. Là. C'est très, très, très bien fait. Une musique qui est très mâle, c'est des gars, bien sûr, qui jouent là-dedans. Testosterone. Ben écoute, le chanteur-guitariste s'appelle Wolf, le bassiste s'appelle Mammouth et le batteur s'appelle Tiger. Donc là on s'entend que quand tu donnes des noms d'animaux à tes musiciens, là, ça donne beaucoup de crédibilité et de virilité à ton groupe. Oh, tellement. Tu t'asperges de pisse de loup avant de monter sur scène, là, pour vraiment être plus badass encore, ça serait assez malade. Et d'ailleurs, vous irez voir des photos de ces gars-là. La barbe du chanteur est assez magnifique aussi. Wow! C'est incroyable. Donc, on dénote facilement une guitare semblable ou assimilable à Black Sabbath. Une voix assimilable à Hawkwind, qui était la formation de Lemmy de Motorhead avant qu'il fasse Motorhead. Mm-hmm. Aussi un rythme presque aussi riche que Led Zeppelin, mais en même temps, c'est difficile d'accoter Led Zeppelin dans la vie. Donc, ça reste une musique chargée d'énergie, une essence facilement identifiable au plus grand groupe rock. J'aime bien ça dire, l'essence du rock, le gaz du rock. Ah! Ah! Ah! Ah, c'est bon, c'est cute! Brum, brum, brum. Oui! Donc, j'ai vraiment aimé cet album-là, sans grand rebondissement, mais qui livre la marchandise. C'est vraiment ce qu'on recherche, en fait, un rock pur qui fera peur à votre grand-mère. Donc, c'est disponible sur l'étiquette Nuclear Blast et on peut aller entendre la pièce Come Back Live qui ouvre l'album. Rock and roll. Vraiment, là, tu te sens on est tout en chess ici. Est-ce que vous êtes plus poilé que moi? Parce que... Ouais, tu sais, le stoner rock, c'est comme des vieux bouts. Tout en... Quand t'es un fan de rock classique, c'est tout le temps le fun. T'as tout le temps l'impression que tu reviens dans c'est confortable. C'est confortable, exactement. Ouais. C'est une musique qui est confortable. Là, on peut dire ça comme ça. Ça s'appelait Cadaver. La pièce s'appelle Comeback Life, tirée de leur album Abracadaver, qui est une pièce également sur cet album-là. Et vous irez voir la photo de la pochette. Tantôt, Jean-Philippe nous montrait ça. Et c'est vintage, hein? Ouais. Si tu vas aller dans un magasin de disques, peut-être que t'es déjà allé et que t'es tombé là-dessus, mais tu vas voir que t'as l'impression que c'est un album réédité, mais non, c'est nouveau. Et non, les jeunes, c'est pas un filtre Instagram qui a pris cette photo-là. C'est un vrai appareil photo du temps, j'imagine. Probablement, j'imagine. Il fallait craquer. Et d'ailleurs, si vous êtes un fan de vinyle, leurs disques vinyle ont différentes couleurs. Si vous les commandez sur le site Nuclear Blast. C'est un choix de la couleur ou ça arrive par hasard la couleur? Je pense que ça arrive par hasard, par contre. Mais genre couleur dorée, orange, rouge, bleu, etc. Toutes des couleurs de l'époque aussi. Des couleurs mortes. C'est très, très, très... Il n'y aura pas de rose. Non. Ça va se réveiller. Attends un peu, là. Hey, ta chemise, il rirait de toi, là. Ouais. Pas assez rock, elle est mauve. Ouais. Belle chemise, elle fait bien. Effectivement, oui. Belle chemise. Tu as un polo. Ah, c'est pas long. T'es tellement zippé jusqu'au cou. Ben ouais. T'as pas monté tes poils de chest, non? Non, je suis gêné. Merci, Simon. Ouais, merci, messieurs. À la semaine prochaine. Pour la dernière de l'hiver. Mm-hmm. C'est oui, l'hiver finit tard à devoir l'heure, ceci. Donc, lundi à 7h30, oui. Pour une autre chronique Fitzbeat. Voilà. On termine la première heure ici. On se retrouve tantôt avec notre nouvelle chronique. Ajoute ça à ton agenda tantôt. Uh-huh. On va revenir sur les shows, les spectacles de Rouge Pompier et Oulinéa qu'on a vu en fin de semaine. Ouais. Et on va parler des spectacles à venir qui nous intéressent dans la région. Uh-huh. Oh yeah, plein de doigts et plein de choses sur chacun de ses doigts. Ouais, moi, faut que je fasse attention. J'ai une punaise dans mes doigts. Fais pas n'importe quoi avec ouais, ça. Ouais, tu sais, je suis comme, ouais, un, deux, trois, puis là, il y a du sang partout. Ça, c'est rock. ouais. Aussi la chronique Le Temps de Culture avec Alexandre Carignan, mais restez là pour l'instant, c'est l'Info Campus. Les extrêmes, ça nous anime. C-F-O-U 89-1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Je pense qu'on est en présence du fantôme de Simon Fitzbeck qui fait bouger le micro tout seul en studio, j'ai peur. Ah, oh non! Donc, bon retour, c'est la deuxième heure d'assemblage requis en ce lundi 22 avril 2013. Faut jamais mettre mon petit logiciel qui me dit ma date sur mon ordi. Ouais. Ouais. Puis au footy, il est Mathieu Plante. Puis lui, c'est, ça me le dit pas sur mon écran, mais c'est Jean-Philippe Charbonneau. Dans mon script, c'était pas écrit. Tu peux pas passer à côté de ça. Et on t'en dit à l'essai de CFO à Trois-Rivières, il est 8h02. Dans quelques minutes, ce sera la chronique. Ajoute ça à ton agenda. Oui. On amène encore un nouveau morceau à l'émission. Tu sais déjà que les morceaux qu'on a, on les fait pas. Ben, hein? On en rajoute d'autres. Non, mais on aime ça, nous autres. On aime ça, les casse-têtes. Oui. Savoir où mettre chaque morceau. Donc, on va parler de spectacle tout à l'heure. Et on va suivre ça, toujours dans la lignée des choses à faire culturellement parlant avec Alexandra Carignan. Ça va faire une belle transition. Oh, c'est comme un... On lit la sauce. Oui. Oui. On met du cornstarch dans l'émission pendant qu'on écoute Pink Floyd, Atomic Baobab. Sans l'âge requis. Eh bon. Tu peux voir sur le plancher des traces de sang. Patrick Barbab et une nouvelle entrée du palmarès francophone en 18e place, c'est Pink Floyd. Faut le dire Pink avec un G. Là. Ben oui, parce que sinon c'est confondant. Ben oui, c'est que de même. Donc maintenant, assemblage requis, il est 8h06 et c'est le moment de faire une nouvelle chronique. On amène quelque chose de nouveau encore à l'émission. Jean-Philippe, on est toujours à l'affût de nouvelles choses. De nouvelles choses. De nouvelles, virgule, choses. Choses. Toi, choses. Ouais. Ajoute ça à ton agenda. Ben oui, ma gang de paresseux, vous autres! Ah ouais, rajoute ça! Ajoute ça parce qu'il faut sortir et à Trois-Rivières, c'est pas vrai qu'il y a rien à faire, il y en a des tonnes de choses. Et justement, ben la semaine passée, jeudi soir, c'était les soirées cachées, c'est fou. Oui, la dernière de la session. Sixième édition en tout. Sixième spectacle caché, en fait. C'était fantastique. En tout cas, édition, ça peut être considéré comme année. En tout cas, deuxième année, sixième show au total. Okay, saison 2, épisode. Ouais, là, c'est ça. Tu sais, je veux vraiment pas qu'il y ait aucune ambiguïté. Non. Mais bref, il y avait un spectacle avec Rouge Pompier le 18 avril dernier à la Chasse-Galerie, juste derrière nous. On y était. Évidemment, toi, t'es dans le comité d'organisation. Oui. Donc, probablement pour la dernière fois, puisque maintenant, ben. T'es rendu bien plus haut que ça, t'as au-dessus de tout ça, toi. Ben ouais, je vais prendre des sous-fifres pour faire ça. Ben exactement. Il va y avoir quelqu'un pour reprendre ça, certainement. Certainement, un concept qui marche assez bien. Hein? Cette année, on a eu pas mal de plaisir. T'es allé à presque tout. Oui, cette année, oui, tout à fait. L'année passée, j'étais pas très, très fiable là-dessus. Un peu comme dans la chanson, un peu paresseux. Je suis tellement occupé. Mais bon, donc cette année, avant d'avoir Rouge Pompier, qu'est-ce qu'on a eu cette année? On a eu la descente du coude en décembre. On a eu après ça les gars de l'Unia qui sont venus faire un tour ici dans le pavillon Pierre Boucher. Fanny Bloom! Fanny Bloom à la passerelle de la santé. Très, très bon spectacle. On a ça. Je sais pas si tu as vu l'éventail. On a essayé de couvrir un répertoire musical un peu plus varié cette tout année. Fait. C'était notre mandat qu'on s'était donné. Calme, plus rock, plus calme, plus rock. On aime ça, ça varie. Ben oui, c'est ça, pour qu'il y en ait de tous les goûts. Puis on a fini avec quelque chose qu'on pourrait dire d'assez rock. Hein. Je pense Rouge Pompier, ça c'est très a brassé intense. La chasse. Oui. Ça a brassé la chasse et ça a brassé le public qui était très, très en feu. Des oui. gars d'ingénierie qui faisaient un mosh pit en plein milieu de la salle. Oui, c'était assez. En fait, c'était le fun. C'était oui. le fun de voir la chasse sur cette couleur-là. Ben, ils ont pu faire même du stage diving, donc les différents membres du groupe et même des gens de la salle ont pu sauter dans le public et se faire pogner puis tasser. Donc ouais, ça, puis brasser. Ouais. Ils ont fait du brasse camarade, comme dirait l'autre animateur là, t'sais, de hockey. Oui, c'est tellement genre. C'est tellement une mauvaise réplique. C'est tellement Jacques. Effectivement. Donc, c'est ça. Il y avait un autre spectacle avant. Et c'était pas exactement le même genre de public, donc il y en a qui, une fois que le show a commencé, que le spectacle était très très intense apparemment, eux, pour leurs petites oreilles de chochotte, sont partis. Mais pour le public qui est resté, qui était quand même, soit dit en passant, pas mal nombreux, les gens qui sont restés, il y avait quand même pas mal de monde. Ben écoute, la chasse, ben c'est ça, en fait, on avait, c'était deux soirées complètement distinctes, donc oui. S'il y en a encore qui ont un doute sur ce qui s'est passé à la chasse galerie le jeudi, on avait premièrement une soirée financement pour le Kenya, si ma mémoire est bonne. Après ça, on a on a pris le contrôle de la place avec les Sempiternels qui ont commencé ça avec des très bonnes chansons. Je sais que tu les aimes beaucoup, pour oui. Entre autres la chanson de Tetris, le fait au violon. C'est génial. Ben, c'est de la musique traditionnelle qu'ils reprennent. Folklorique oui. du Québec et d'ailleurs, de d'autres pays. Et ils reprennent au violon et au petit tambour. Oui, c'était très bien. On a essayé de le faire un peu différemment, justement, avec le concept... C'était des duos de duos. Oui, ben, c'était un duo. C'était supposé être un trio de duos, mais finalement, on a quelqu'un qui s'est décommandé, malheureusement. Ça arrive, mais ça a fait des bonnes blagues sur Cheesecake Ninja. Voilà. Dans pendant le show. Donc, le spectacle des Sempiternels était devant la grande porte de garage de la chasse-galerie. Oui, sur des petits cubes en bois. C'était composé de Jean-François Veilleux et Daniel H. Dugas, donc, qui étaient finalistes à... qui sont allés à la finale là, de... Ben là, c'est pas UQTR en spectacle. Ils ont gagné l'université. Ils ont gagné UQTR en spectacle 2013 et ils sont donc allés en finale à Univers, Trait d'Union Cité. Voilà. Écrit comme la ville en spectacle. Exactement. Donc, ensuite, on transitionnait vers la grande scène, le plateau principal de la chasse-galerie pour le spectacle de Rouge Pompier. Les gars étaient très, très, très en forme. D'une forme assez, assez incroyable. Moi, je suis allé le voir deux autres fois en spectacle. Oui. Puis je dois avouer que ça, il était vraiment en forme. Là. Puis là, j'ai évité un sacre. Pour dire que, à quel point il était en forme. Là. Puis ça a donné tout un spectacle. T'étais là, toi, des commentaires de la salle? Ça a frappé. En tout cas, ça a frappé mon côté de bras par les gens qui étaient tellement entassés contre tout le monde, tellement il y avait de monde que ça se bousculait. Puis c'était une belle fin. Non, j'ai vraiment aimé l'intensité de ce spectacle-là. J'ai trouvé ça fabuleux. Donc, c'est leur CD Kevin Bacon qu'ils ont joué presque au complet. Oui, quasiment, quasiment intégralement. Oui, je pense que oui. Et ils sont passés à travers au complet. Puis ils n'ont pas hésité à faire interagir le public. De différentes façons, monter sa scène, go. On... Oui, d'ailleurs, Charles-Antoine Rioux, tu nous rappelles l'anecdote de la chronique plénière UQTR qui va avoir lieu demain. Demain. Il s'est fait demander à monter sur scène, tu sais, grand bonhomme. Ben oui, puis pour faire des miam, miam, miam, miam, miam. Des, ouais, bam, bam, bam, bam, bam, miam, miam, miam, miam, miam, pendant la chanson. Ça a très bien fonctionné, il a très bien fait ça. Le public l'a accompagné aussi, donc c'est un peu moins gênant quand tout le monde suit. Oui, oui, c'est ça. T'as l'air moins comme, hey, que je fais ici. Mais oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, vous avez raté l'événement, là, vous faites « Ah, ça avait l'air quand même le fun ». Vous pouvez aller voir, on a fait un montage vidéo avec des morceaux de vidéos qu'on a pris, parce qu'on a quasiment l'intégrale là, en vidéo, c'est assez le fun. Pour vous autres, hein? Pour vous autres, pour nous autres. Ben non, mais nous, on y était. On y était, fait que nous, on serait même hors des bons moments. Mais allez voir ça, c'est sur la page Facebook des Soirées Cachées, c'est fou. Donc évidemment, ben, c'était en collaboration avec la radio ici, 89.1 FM. Yeah. Depuis le début. Et puis, un bon coup, c'est un bon coup. Oui, très bon coup. Je me flatte dans le sens du poil. Ben bravo Jean-Philippe, bravo Karina, bravo c'est Anthony, Antoine. Antoine Lacasse. Antoine Lacasse, donc le comité des Soirées Cachées, c'est fou. Très, très grand succès, tout ça. Et allez voir particulièrement la vidéo où il raconte l'anecdote de Trois-Rivières, parce qu'à chaque spectacle, il y a une anecdote sur leur tour. Et puis c'est vraiment une anecdote délicieuse, d'autant plus qu'on en parle souvent des toilettes ici, puisqu'à cause des rénovations, on perd une certaine notoriété de toilettes. Oui, c'est ça. On est comme dans les il lui manque juste des portes. Là, j'imagine que c'était pour faire des urinoirs. Je sais pas, on dirait, mais c'est pas le genre de urinoir que j'aime et à la visibilité peut. En tout cas, on voit mes foufounes. On voit tes foufounes. Donc voilà pour Rouge Pompier qui était en spectacle encore une fois au Soir Caché jeudi dernier. Et en hommage à ça, on écoute leur chanson thème, Rouge Pompier. Oh. Ça fait plaisir, là, Mathieu. Mais, hein? Et après ça, on parle du spectacle d'Olinéa de samedi. D'accord. OK. Je suis encore en train de dire le dernier mot. Tout le temps. OK, bye. La pièce rouge pompier dans la chronique ajoute ça à ton agenda. Toujours donc à Assemblage Requis. Et on parle des spectacles qu'on était allé voir, Jean-Philippe et nous et moi, en fin de semaine. Oui, on s'est gâtés. On s'est gâtés. Fin de semaine de spectacle à Trois-Rivières. Semaine au complet. Si on peut considérer que jeudi, c'était un jour de fin de semaine. Exactement. C'est ça. Ouais. Donc, prochain spectacle dont on parle, c'est celui de Charlie Foxtrot, On a créé un monstre, et Olinéa, qui avait lieu samedi à l'Appart. C'est au centre-ville de Trois-Rivières, sur Royal. Exact. On a eu du plaisir. Hein? Ben oui, quand même. Hein? C'était Charlie Foxtrot, je connaissais un peu moins. Je sais pas si tu connaissais... Ben, je connaissais, je te dirais, peut-être trois pièces, deux, parce qu'ils étaient sur les palmarès. C'est fou, dans le temps, ils ont joué une chanson de quand il s'appelait Map. Avant, okay. À un moment donné dans le spectacle, ils ont joué une chanson de match. Je me rappelle pas. Je pense que c'est Take the Money and Run qui ont joué, si je me rappelle bien. Mm-hmm. Ils ont joué aussi des succès du palmarès, genre Éternel Pessimiste et Pas un public cible. Deux chansons qu'on joue, qu'on entend encore fréquemment. D'ailleurs, je crois que j'ai fait jouer une de ces deux pièces-là il y a quelques semaines de ça à peine. Donc, on les a encore dans nos cœurs. Et voilà. Sur les Foxtrot. Donc, oui, j'ai bien aimé leur son. J'ai trouvé ça cool. Je te dirais que ça vergeait pas mal aussi. Je trouve que c'est des groupes qui fitaient bien ensemble. Oui, c'est un beau trio de groupes. J'ai raté peut-être leurs deux, trois premières pièces, mais ils ont fait assez pour que ça vaille la peine de le voir, le spectacle, donc je trouvais ça très, très bien. Je suis retombé en amour, par contre, avec On a créé un monstre. Ah oui, ça faisait... on est deux. En fait, j'ai jamais pu aimer On a créé un monstre. J'ai jamais pu aimer. mais c'est ça, en fait, je sais pas si tu connais un peu l'historique du groupe, quand ils sont venus ici aux soirées cachées, première soirée cachée de tous les temps. C'était il y a quoi, 2 ans de ça, j'imagine? Oui, exactement. Il y a deux ans. À peu près, oui. Un peu moins de 2 ans, disons. Bon. On est sûr demain. Mais il était 5. Ouais. Et puis, c'est vraiment un groupe qui sonnait extrêmement bien à 5. C'était vraiment une. Tout le monde avait sa place dans le groupe. Et puis, ils sont tombés 3. Là, je dis 5, mais il était 5 à ce spectacle-là. Je ne sais pas s'il était tout le temps 5. Okay. En tout cas, ça flottait entre le 4 et le 5 membres dans le groupe On a créé un monstre. Et puis là, ils sont tombés à 3. Et puis j'étais allé les voir en spectacle, puis je trouvais qu'il manquait une petite énergie, un petit kick, que là, on dirait qu'ils ont retrouvé, ils ont une chimie, il me semble, je sais pas si t'es d'accord. Oui, tout à fait. Ils se parlaient, ils se racontaient des histoires, puis ça paraissait qu'il y avait du plaisir ensemble. Et les chansons, leur classique, évidemment, de leur maxi, de dans le temps. Il me semble que j'en ai pas entendu tant que ça, mais j'ai entendu plus de pièces de cet album-là complet. De l'Iceberg, oui, tout à fait. Puis on reconnaît la pièce, donc l'iceberg. En tant que telle, 5.0. Est-ce qu'ils ont joué Je pleure ou je ris? Je suis pas sûr. Ils ont joué Brûlant. Oui, puis là, dans le fond, c'est ça, on a eu l'occasion de jaser justement avec le chanteur du groupe. Et puis là, ils sont évidemment en production à 3. Donc, j'ai vraiment hâte, ça augure assez bien. Ils en ont joué 2, d'ailleurs, de leur nouvelle compo qui va se retrouver dans le prochain album. Ils nous ont utilisé comme pour jouer leur pièce. Est-ce qu'ils ont dit que c'était la première fois qu'ils jouaient? Non, je pense pas. On est quand même parmi les privilégiés. Qui ont pu les entendre. Donc, ça devrait sortir cet automne. Alors, on n'a pas de date encore, évidemment, sur papier, mais vraiment une belle énergie. On a créé un monstre. Moi, en tout cas, j'ai bien hâte. Vraiment. Donc, on va entendre une pièce dont on a créé un monstre tout de suite, avant de continuer, pourquoi pas? Coupons ça en deux. On se garde, on a du temps. Donc, on écoute. Est-ce que tu as une suggestion de pièce dont on a créé un monstre? Tu les connais, tu les as vu 3 fois minimum. Non, vas-y sur ce qui tente. Moi, aujourd'hui, j'ai de la misère à faire des choix. Ça arrive dans la vie, ça. Tantôt, c'est ça, pour Rouge Pompier, Mathieu, il m'a passé le CD en me disant « Wow, j'ai choisi la toune qui t'aimerais écouter. » Finalement, j'ai fait un choix. Il y avait le choix entre 3 tounes, fait que j'ai pas fait le choix. C'est à peu près ça. Je te gagne même. Ouais. Donc, on écoute, je sais pas, j'ai envie de varier un petit peu parce qu'on écoute souvent 5.0, c'est quand même notre stand-by à chaque fois. Donc, on va écouter Vert d'oreille, tiens. Ah, c'est une bonne idée. Tout de suite. J'approuve. Après ça, on continue avec le spectacle de Oudnia. Qui était dans la même soirée. Oui, c'est ça. Chacun son innocence. pièce Vert d'oreille dont on a créé un monstre sur l'album L'Iceberg. Et c'est toujours la chronique Ajoute ça à ton agenda où on parle des spectacles du moment. On a vu donc au spectacle de samedi soir à l'appart, entre autres Charlie Foxtrot et On a créé un monstre dont on vient de parler. Il y avait aussi Olnea, en fait, c'était le groupe, le feature, si on veut, du spectacle. Ben oui, le dernier des trois à prestater. Je sais pas si c'était en ordre de priorité et d'importance, mais en tout cas, c'était pas mal la raison pour laquelle on est allé, ouais, principalement. Donc, Olnea qui a fait un peu le même genre de spectacle aux soirées cachées. Donc, on était dans un territoire familier. Je savais à quoi m'attendre, mettons. Oui, pas mal le même setup, même pas mal le même ordre des tours, mais qui est quand même assez logique aussi, là, je pense. Je suis pas le plus pour grand. Pour monter de plus en plus vers un grand. Ouais, quand même. Tu sais, puis il commence toujours avec la même chanson, puis tu pourrais pas ne pas commencer avec la chanson première, hein? La première du disque, là. Les murs des lamentations. Et voilà. Le mur des lamentations. C'est ce qui commence bizarre sur le CD, mais qu'en spectacle, commence très normalement. Ouais, c'est ça. Ça commence comme un genre de spectacle de très, très, très loin, parce qu'on les entend jouer de très, très loin sur le CD. Ouais, puis là, ça part. Bam! Badabam, badaboum. Badaboum, badabing, comme on a dit. Oui, puis Olnea, que. Ben, toi, t'étais là, aux soirées cachées. Oui. Olnea qui revenait justement de la bourse. De la bourse rideau, un peu moins en forme. Aux soirées cachées, qu'il ne l'était hier, qu'il ne l'était en fait samedi, excuse-moi. Ben, ils se sont fait dire souvent pendant le spectacle par un hurluberlu que le chanteur avait repris des couleurs. Oui. Hein, parce qu'il était malade aux soirées cachées. Moi, je trouvais que ça n'avait pas paru tant que ça lors du spectacle. Je trouvais que ça avait donné un très, très bon spectacle. Mais là encore, il y avait plus d'énergie. Oh, il y avait une... Ça racontait des histoires, des jokes de la voix, parce qu'un des gars, Félix-Antoine, a participé à la voix. À la voix. Dorénavant, ça fait des belles anecdotes, en fait. Une belle complicité encore avec le groupe, puis avec les gens, puisqu'on n'était pas. On n'était pas 2000. Là, non, c'était moins nombreux qu'on aurait espéré, évidemment, oui. À l'appart. Chose très, très contente pour nous. Hein. Il y avait quasiment plus de monde aux soirées cachées. Oui, ben, pour vrai, il y en avait plus. Ouais. C'était clairement, tu sais, on ne se cachera pas au spectacle de l'appart. Là, c'était pas mal les membres des autres groupes et leurs copains-copines. Et toute l'équipe de C'est Fou qui était là. Oui, toute l'équipe de C'est Fou. On était une belle grosse gang. Une bonne partie, en tout cas. Ouais. Steph Parazzi, moi, toi. Ben, il y avait des gens avec moi pour les soirées cachées. L'ancien comité, en fait. Ouais. On salue Magali. Ben oui, Magali, Vincent, qui nous a prêté le matériel. Tout à fait. Sans qui on n'aurait jamais pu maquiller tous les groupes. Donc voilà, super, super show de Linéa, là, vraiment à voir en spectacle. Ça, c'est vrai. Faut vraiment retourner les voir. Ça vaut vraiment la peine. Si vous ne les avez jamais vus. Regarde, je les ai vus deux fois, parce que j'aime ça. T'sais. Et hein? Voilà, bon. Ça, c'est pas peu dire. Et en un mois. Donc, Linéa, on adore. Et on va aller entendre tout de suite leur pièce. Que tu nous as choisi. Oui, mais j'avais envie d'écouter Les Ombragés. Fait gros soleil. Ça va faire des ombres. Oh. On va se faire des petits mimes demain. Ouais, et au retour, on parle des spectacles qui s'en viennent plus tard. Dans un blitz. Blitz bien rapide. Oui, Linéa. Et c'est quoi, c'est les ombrages, hein, c'est ça? Les ombragés. Les ombragés, voilà. Donc, c'était la chronique presque terminée ici. Ajoute ça à ton agenda. Il nous reste encore les spectacles à venir à faire. On y va-tu pour un blitz? Blitz, commençons par demain soir, Mardi de la relève. Oui, hein? Monsieur. Alors, Brinus, 16e édition, évidemment. Soirée acoustique avec les mille acoustiques, Jay Wood et... non, attends, je suis sur la mauvaise semaine, excuse-moi. C'est soirée rock avec André Grenier, ACI. Living Crush et Ascension State. Est-ce que c'est André Grenier assis? Peut-être. Donc, c'est les mardis de la relève, c'est mardi soir à 21h au Gambrinus. Ensuite, toujours mardi de 21h30 à tard dans la nuit, Atomic Baobab et Mimi Van Der Glo, deux formations locales, seront à Montréal au Divan Orange. OK, c'est bien Montréal, le Divan Orange, oui, tout à fait. La soirée débute avec le rock puissant des Mimi Van Der Glo pour laisser place à Atomic Baobab. C'est du groovy. C'est 7$ à la porte, donc pour deux bands de la Mauricie qui vont être à Montréal. Ensuite, on reste dans le Trifluvien pour un spectacle à la salle Louis-Philippe Poisson de Cybelle and the Bad Habits qui propose du musical pop folk rock et quatre musiciens qui présentent des chansons électroacoustiques faisant danser et un folk planant plus léger créant une atmosphère intime et chaleureuse. Voilà. Donc, allez voir cybellemusic.com, S-I-V-E-L-L music.com. Ensuite, au magasin Général Lebrun de Masquinongé. C'est Antoine Corriveau qui est en spectacle le vendredi, qui s'en vient le 26 avril. Musique aérienne au fini rugueux. Et pour terminer, Feu de forêt dans le désert, qui s'en vient aussi, c'est vendredi, le 26 avril, 21h30. Donc, c'est la 31e édition avec ponctuation et cheval fou. Et c'est donc ce vendredi. Ça s'en vient au Zénob, Trois-Rivières. Voilà. Pour l'instant, on prend une pause. Oui. On vient avec plus d'art et spectacle avec Alexandra Carignan et le temps d'une culture. Mm-hmm. La prochaine fois, je vais lui demander de si je parle à ma affaire qu'elle. Je vais pas évoluer son stock. Hein. Ah, bah oui, c'est vrai. Ben sinon, on complémentarisera. Comment? Complémentarisera. Deuxième fois en combien de jours que tu utilises ce mot-là? Tu l'auras pas plus, ça? Non. Fascinosignification. Faut faire un retour dans il y a une heure et demie. Flashback. Ouais! C'est fou. Les extrêmes, ça nous anime. C-F-O-U 89-1. Le plan de demain à assemblage requis. Jean-Antoine Rioux sera avec nous pour la chronique improvisée du club plein air UQTR. On recevra Michel Lebrun avec son segment juridique et judiciaire panier à salade. Et les plus récentes nouvelles du monde de la télé dans Télévégine, c'est demain 7h à assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Cifou, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. 8h35, Jean-Philippe Charbonneau, Mathieu Plante. Oui, après avoir passé une demi-heure en chronique, hey, c'est une nouvelle chronique, OK? Oui. Apprendra pas une demi-heure à chaque fois. Là. Non, ben, c'est ça qu'on disait. On allait voir deux spectacles avec trois groupes à un puis deux groupes à l'autre. Ça comme pas d'allure, hein? Ouais. On se met ça dans la même chronique, hein? Ça n'a pas de sens. On s'est culturé en maudit. On s'est culturé en tabarnouche, mais c'est même pas assez parce que nous autres, on en mange la culture et puis Alexandra Carignan en mange et en plus en. En produit. En... on va traire le pis du temps d'une culture. D'enlever les mains de là. Hein? D'enlever les mains. Parce qu'on trait le pied de la standard culture, ce que j'ai dit. Mm-hmm. Ouais, j'ai trouvé ça plutôt particulier. Bizarre, hein? Bonjour, Alexandra Carignan. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Oui, resplendissante, comme toujours. Mais merci. Mais ce matin, je me suis levée tôt. OK. Contrairement à d'habitude, là, je dois avouer que j'arrive pas mal torchon des fois. Torchon. Ah. Il y a même des matins où je me lève comme à 8 heures, puis je m'en viens, puis je retourne chez nous me coucher. Ah, les petites graines dans le coin des yeux. Mais ce matin, je me suis levée à 6h30 tapante. J'ai eu le temps de tout faire. J'ai même eu le temps de mettre du eyeliner, ce qui arrive pas souvent. Tellement. Mais là, j'ai eu le temps. Mathieu aussi a eu le temps ce matin. Merci. Ben oui, tu l'as remarqué. On remarque. Fais donc bien beau. Merci. trouve... La beauté, c'est pas juste en toi, c'est aussi dans les arts. Oh, quel lien de la mort. Oh là là, et là, je vais vous parler. En fait, majoritairement, les spectacles, vous aviez la petite chronique là, tantôt là, qui présentait les spectacles qui venaient cette semaine. Mettons. Les miens sont différents. Mm-hmm. Les miens sont pas nécessairement meilleurs. Mais il y en a un duquel je fais partie, ça devrait être bon. Alors, écoutez, c'est pas tant cette semaine. C'est sûr que cette semaine, il y a mardi la Lime. Oui. Donc, la Ligue d'improvisation mauricienne. C'est la dernière demi-finale. Donc, on va savoir qui va aller affronter les Bourgognes en finale. Et on sait que les Bourgognes, c'est ton équipe, Alexandra. C'est mon équipe, ça, les Bourgognes. Donc, j'ai gagné contre les Jaunes. Oui, bravo. mais là, l'équipe des Bleus, Turquoise, excuse-moi, c'est l'équipe de Maxime Tanguay. Oui, l'équipe de Maxime Tanguay, elle joue mardi soir contre l'équipe des Oranges. Je dis ça de même, mais les Oranges sont en première place au classement. Ah oh. Ah oh. Ben, en fait, c'est ça, là, dans les séries, là, la première place affronte la dernière. Oui. Voilà. Alors, c'est quand même ça. Mais écoute, les jeux ne sont pas faits. Hein? Tout peut donc, chavirer. Tout peut chavirer. On ne sait jamais. Là, le nombre d'équipes qui ont complètement tout saccagé, même si c'était en place, ça l'arrive. Alors, pour savoir, en fait, qui va affronter les Bourgognes, venez à la demi-finale. Et là, normalement, à la Lime, là, bon, c'est sûr qu'on est en nouvelle formule. Là, des fois, il y a des trucs qu'il faut changer. On ne sait jamais c'est qui gagne la deuxième. Il faut aller voir sur Facebook pour annoncer parce que les votes sont comptabilisés après le match. OK. Mais là, pour les demi-finales, on fait non, on ne laissera pas le public sur sa fin. Donc, juste après la dernière improvisation, il y a des les bénévoles, les autres joueurs qui jouent pas, passent les boîtes pour que les personnes puissent voter. Donc, et tout de suite après, on annonce le score pour décider qui va aller en finale. Alors, c'est Altan, mes amis. Altan? Atlan? Hein? C'est ben le fun. OK, ben dis donc, c'est ben le fun à la place. Ça, je suis en train de faire. Alors, ça va être mardi soir à la Maison de la Culture, en fait, à la salle Louis-Philippe Poisson. C'est 5 $ étudiant, 6 $ adulte, franchement. Tellement pas cher pour un aussi bon spectacle. Pourquoi ne pas venir? Alors, ben sur ça, en fait, il y a la semaine prochaine, donc mardi prochain, qui va être la grande finale de la 30e saison de la Lime. Faut pas oublier que ça fait 30 ans que la Lime est ici à Trois-Rivières. Ça en fait une des plus vieilles ligues d'improvisation au monde. On s'ostine là, souvent là, sur une coupe de ligue, là, mais on est peut-être la deuxième ou la troisième plus vieille. Toutes des menteurs, les autres. Comme la poutine. Comme la poutine. La meilleure c'est ça, poutine. En fait, c'est le problème de la poutine. Mais on sait bien que la LNI, c'est la première. On s'en cachera pas. Là. Mais c'est ça. C'est à savoir qui est la deuxième, qui est la troisième. On est dans le top 5 certains, en tout cas. Là. Mm-hmm, good. Bon, alors c'est mardi prochain. Et là, on se déplace à la salle Anaïs à la Rousseau pour la finale. Rien de moins. Plus grande salle, siège plus de place. Confortable. Oui. Mm-hmm. Malheureusement, on n'a pas le droit d'emmener les consommations à l'intérieur. C'est comme en fait ce qu'on pouvait faire à la Lime. Là, donc, on pouvait s'acheter de la bière. Là, non, mais Colin de Bing, on a des bons sièges. Ah. Alors, mardi prochain, puis à une la salle. Paille avec ton sac banane. Ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu. On accepte les bouteilles d'eau si tu veux. Okay. Tu peux te mettre de la vodka dedans. Parfait. Et voilà. Alors, mardi prochain, à la salle Anaïs à la Rousseau, toujours au même prix. On vous aime de même. Alors, et là, en fait, le vrai là, truc là, de ma chronique, c'est par rapport au spectacle qu'il va y avoir le 1er mai prochain, soit jeudi prochain. Si mes calculs sont bons, là, je vous avoue que je n'ai pas regardé là, mon agenda. C'est un mercredi, à la c'est un peu? Oui, c'est un mercredi. C'est mercredi. Ouais. Donc, mercredi prochain, donc pas cette semaine, eh bien, on a notre beau Yann Perrault qui vient faire son tour à la salle Anaïs à la Rousseau. Il ne fait pas son petit étudiant puisque ça coûte quand même cher. Oh. Pour la salle, ben moi, je trouve, pour un spectacle à la salle Anaïs à la Rousseau, c'est 30 $ le billet. OK. 27 $ étudiant. En fait, gros 3 piastres de sauver. Oui, mais il y a la barre psychologique du 30 $. C'est vrai, hein? Ouais. Si tu me mets ça à 29 piastres, je fais « Ah! » Ouh, mais si tu mets ça à 30, je fais « t'es gratté pas mal. » Tu ben, crois ces affaires-là, t'es naïf. Au revoir, Mathieu. Ah. Alors, Yann Perrault qui va faire, en fait, qui est en tournée pour son dernier CD « À genoux dans le désir », que je trouve tellement beau comme titre. C'est vrai. Alors, c'est un CD de collaboration avec Claude Péloquin. On se cachera pas, il y a eu moins de popularité que son dernier, donc « Un serpent sous les fleurs mmh. ». En fait, c'est beau comme on s'aime, il y avait eu vraiment un grand élan. Là. Ça l'a même passé dans les radios commerciales. Bon Dieu du ciel, on avait de la bonne musique. Mais... avec celui-ci, c'est des textes un peu plus sombres de Claude Péloquin, des collaborations qui ne sont pas très connues, tu sais, Marie-Pierre Arthur, c'est de l'underground, ça, tu sais. Fait que c'est ça. Malheureusement, ça a pas été autant populaire que son dernier album. Mais c'est tout aussi bon. Moi, je suis une fan invétérée d'Yann Perreau. Là, je trouve ça bon. Même que je vais le payer, le 30$, pour aller le voir. Parce que ça va être bon. 27, t'es étudiante. Oui, mais c'est ça. Je suis étudiante, hein. Mais en même temps, je travaille à la corporation de développement culturel. C'est un deal encore plus, hein. Ben, mon rabais est le même que l'étudiant. Ah, bon. Ça, c'est triste. C'est cheap. Fait qu'à la place, parce que t'es les deux. J'utilise ma carte parce que là, pour. C'est tout un truc d'appeler quelqu'un pour que. Mais bon, pour ne pas faire part de mes déboires à la corporation. Alors, c'est à la salle Anaïs Salard-Rousseau. Donc, à la même place, parce qu'il va y avoir la demi-finale. Mardi, mercredi, back-to-back des bons spectacles à la salle Anaïs Salard-Rousseau. Ouf! Hey, hein? Quelle semaine encore! D'ailleurs, mon copain m'a dit qu'il a croisé Yann Perreau dans les studios, c'est fou! Oui, il était au dîner de con la semaine passée. Bravo à lui! Bravo à lui! À Yann Perreau de passer par le dîner de con, c'est quand même gros. Hein? C'est quand même gros en tabarouette! On m'en a donné des commentaires. Les gens étaient là, aïe! C'est vraiment là. Aïe, aïe, aïe, mais c'est vraiment ça que la personne a dit. Vous avez vraiment eu en entrevue, mais vous étant assez fou. Là. C'est comme la 32e fois qu'il vient en plus. Oui. Il est vraiment un habitué, un ami du dîner de con. Hein. C'est correct. Mais il est tellement simple comme jeune homme là. Il est papa d'ailleurs depuis peu, là. Ah oui? Depuis à peu près un mois. Non? Yann Perreau. Alors, vous allez pouvoir voir Yann Perreau, le Perreau. Premier mai. Il est Perreau. Eh ben, alors, avant le jeu mot de Mathieu, je disais, vous allez pouvoir aller voir Yann Perreau avec son spectacle À genoux dans le désir à la salle Anaïs Salard-Rousseau le 1er mai. Pour vous demander, si vous demandez, oh, c'est qui donc Yann Perreau? Alors, voici une pièce pour vous le rappeler. On va aller écouter la délicieuse chanson Acrobate de l'éternité. Naufragé chez toi, je suis en état d'un péché démentiel. Depuis toi, j'ai la bête immortelle, t'es mon plus bel accident, mon intempérie sexuelle. T'as mis le nez dans mon jeu, la main sur mon butin. De l'éternité, tes jambes autour des miennes, en rivière et en fleuve, toujours devenir des étoiles filantes de jour dans des cieux parallèles à la ligne de départ. Je suis né, j'ai toujours su que j'allais te rencontrer, toi mon garde du fou que je suis. Mon passage à niveau, ma campagne de bistrot. À force d'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. L'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. en bas de l'éternité. À force d'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'éternité. C'était Les Acrobates de l'éternité de Yann Perrault. Yann Perrault qui sera en spectacle à la salle Anaïs Allard Rousseau mercredi prochain, soit le 1er mai. Donc, c'est un spectacle qui sera à voir. Mm-hmm, qui est cher, mais qui vaut la peine. Qui est cher, mais qui vaut la peine. Et bon, en parlant de spectacle cher qui en valent la peine, écoutez, ça fait partie de mon « et si seulement » de la semaine. Ah, c'est vrai, il y a encore semaine. Ça. « Et si seulement » Oui, « si seulement j'avais 50 $ j'irais voir She and Him à Montréal au Festival de jazz. » Alors, vous vous demandez qui? She and Him, qui est un groupe rock indépendant. Qui est formé de Zoé Deschanel et de Matthew Ward. Alors, Zoé Deschanel, vous dites... Oh, l'actrice. L'actrice, celle qui joue dans la très populaire télésérie, j'ai oublié son nom. New Girl. New Girl, voilà, qui a été vue d'ailleurs dans je dormais pas, C'est pas grave, elle est dans une pute d'Apple. Oui, mais particulièrement avec Joseph Gordon-Levitt. C'est ça, 500 jours ensemble. Oui, en fait. Exact. 500 Days of Summer. Exactement, donc ça a été le gros film qui l'a propulsé. Eh bien, elle a un duo, donc un rock très indie. Là. Si vous n'aimez pas l'indie, vous n'aimerez pas ça. Là. C'est ça, c'est très indie, très très cute, genre comme une gaga cute. Là, c'est très gaga cute. Mais en fait, c'est Joey Deschanel. Ça n'a pas le choix. Tu la regardes, elle est gaga cute. C'est ça. En fait, elle est tout genre de cute. Je pense pas qu'un gars là, puisse la trouver laide. C'est une tellement belle femme. Et elle dégage quelque chose aussi. Puis c'est, je pense, qu'il fait d'elle une très bonne musicienne. She and Him, en fait, ils ont commencé en 2008 avec leur CD Volume 1. Ils se sont pas cassés la tête. La majorité des pièces, d'ailleurs, a été écrite par Deschanel. Quand même, hein? Elle a du petit talent, la petite tabarouette. Alors, c'est un album qui a été quand même apprécié par la critique, mais c'est vraiment leur deuxième album, Volume 2, hein, on se casse la tête, qui les a vraiment propulsés dans tout ce qui s'appelle Billboard ou ainsi de suite. Là, on a vraiment commencé à les connaître avec cet album-là. Moi, je vais vous faire jouer une pièce du premier album. Mais en fait, les deux albums sont tellement bons, là. Et surtout, en 2011, A Very She and Him Christmas, oui. Qui est en fait un album. Ils n'ont pas écrit des chansons de Noël, ils ont repris des chansons de Noël. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais, oui, mais en fait, tu sais, avoir un CD de Noël de Michael Bublé, de Josh Groban, de Andrea Bocelli. Pas mal la même chose. Bocelli. Bocconcini, là. Ben oui. Bocelli, tu sais. C'est dans la Bruno Pelletier, c'est dans la logique des choses. Ouais. Mais un album de Christmas indie. Écoutez, il y a juste Sufjan Stevens qui avait fait ça. Et lui, en fait, il a écrit des tunes. Il les a pas interprétées. Alors, moi, je trouve ça tellement bon. C'est enfin, là, mon copain puis moi, on peut écouter un CD de Noël qu'on aime. Là. C'est parce que lui, il faut Very Bublé Christmas, là, lui, il tente pas bien, là. En fait, non, c'est pas vrai. Il l'écoute quand même. En cachette. Mais c'est pas mauvais. On dit pas que c'est mauvais, mais c'est bon, mais à quel point j'aime ça. C'est sûr. Ça reste ça. J'ai honte, mais l'autre fois, j'ai chasamé une chanson puis c'était du Michael Bublé. J'étais comme, attends un peu, je peux pas dire ça à personne. Là. En plus, t'as un historique là-dessus. C'est ça. Mais c'est bon, Michael Bublé. Il écrit ses tunes puis il a tellement de belles voix, là, on va se dire. Là. C'est un des. Moi, j'ai vu en spectacle. Là. Oh là là! C'est un des meilleurs spectacles que j'ai vu. Il y a une voix à tout casser. C'est pas de l'enregistrement YouTube. Non. Croyez-la. Croyez-moi. Eh non, il a fait une tourne dans le Centre Bell sans micro, puis on l'entendait. Hein? Ouais, en tout cas. Il y a des pipes. Check mes pipes dans la gorge. Ouais. En parlant des pipes de Michael Bublé, on parle des pipes à Zoé Deschanel. Et voilà, juste. Non, on n'a pas de pipes. Elle a juste des gros seins. Hein? Non, mais je sais pas, elle a des gros seins. Elle a des seins, mais elle a des seins. Ouais. Elle a des beaux seins. On peut confirmer qu'elle a des beaux seins. Alors, c'est ça, en fait, ils ont trois albums à leur actif, Volume 1, Volume 2 et Very She and Him Christmas. C'est seins, ça? J'essayais d'essuyer la blague mauvaise, Mathieu, puis t'as ramène. Oups. Et finalement, en fait, ce pourquoi ils vont être à Montréal au Festival de jazz le 3 juillet prochain, c'est parce qu'ils sortent un troisième volume, donc volume 3. Volume C, qu'il aurait dû faire juste pour changer. Ah, ça aurait été drôle. Et ça va sortir imminemment. Là. C'est annoncé pour mai 2013. Imminemment, donc. Imminemment. Non. Et c'est pour ça qu'ils partent en tournée. Ils vont être en fait à la Place des Arts, dans le cadre du Festival de Jazz, mais à la Place des Arts. Donc, ça ne sera pas extérieur. Ce qui est un avantage pour les personnes qui n'aiment pas ça être à l'extérieur, mais qui est un désavantage pour ceux qui sont étudiants. Oui. Parce que ça coûte 50$. Ouch. Pour un spectacle à la Place des Arts. C'est 25$ pour Zoé et 25$ pour l'autre dude. Ah oui, oui. C'est, ils vont rentrer dans leur argent, certainement. C'est à la salle Wilfrid Pelletier, donc la salle principale de la Place des Arts. Le 3 juillet prochain, c'est un mercredi. Ça aussi, c'est faut pas tailler une job parce que c'est à Montréal. Ouais. Pendant le festival de jazz, c'est parvenu à Trois-Rivières avant 2h du matin. Alors, mais ça vaut quand même la peine. Sont bons, sont oui. cute. Et on va justement aller écouter une chanson de leur premier album. Et c'est « Why do you let me stay here? » C'était « Why do you let me stay here » de She and Him. Donc, vous voyez, c'est très indie. Ça a des sonorités qui ramènent un petit peu le vieux rock alternatif. Ben, pas alternatif. Le vieux rock indépendant, là, qui frôle un petit peu, je trouve, les Beatles, là, avec une belle petite voix de Zoé Deschanel. Ils vont être en spectacle, les deux, j'ai la place perdu des arts. Mon lien. Oh, Wilfrid Pelletier. La salle Wilfrid Pelletier. Les mots sont restés dans ma tête, mais pas la bonne heure. Le 3 juillet prochain. Donc, le seul hic, c'est que c'est 50$. Alors, grattez vos scènes, chères personnes. Ah. Vendez des affaires. Ça vous donne l'occasion de voir Zoé Deschanel. T'sais, non seulement c'est un groupe intéressant, mais vous avez Zoé Deschanel en personne. En personne, devant, à quelques mètres. Ah ouais, ben tout dépendant, là, si vous vous dépêchez, là, quelques mètres. C'est réaliste, je vais pouvoir la rencontrer peut-être. Alors voilà. Ils sont toupettes. Ben ouais, un beau toupette, elle porte bien. On parle, de New Girl tantôt, la série dans laquelle Zoé Deschanel joue. Et il y a un épisode flashback qui joue, je sais pas si c'était la semaine passée ou cette semaine, où on les voit, toute la gang, dans le fond, dans le passé, à l'époque où elle avait pas de toupette, Zoé Deschanel. J'imagine que c'est fake parce que ça a été tourné récemment. Ça a été, mais d'avoir sans toupette, ça fait bizarre. Elle était blonde dans le temps. Hein? Ah oui. Oh oui. Pas son meilleur look. Ça devait pas, non. C'est le genre de fille qui, le naturel, lui va à 100 000 à l'heure. Ouais. C'est vraiment ça. Hein? Toi aussi, t'es naturel, Alexandra Carignan, on l'apprécie comme ça? Pas en ce moment. J'ai tellement de... Du eyeliner. Fond de teint, cheveux frisés. On se comprend sur l'eyeliner et les cheveux frisés, donc pas. J'ai rien de tout ça, c'est faux. T'as laissé un bigoudi d'ailleurs, Mathieu. Mais oui, c'est pour placer ma petite maudite couette dans les airs tout le temps, à la même place. Oh. C'est maudite. Donc, merci, Alex. Ben, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Ben, c'est ça, il n'y a pas à la semaine prochaine. Y a-tu un à la semaine prochaine? Ben, nous, il y a un à la semaine prochaine. Si tu veux bien avoir un à la semaine prochaine, nous, moi, on est là. À la semaine prochaine. C'est lundi à 8h. Pour Colin que oui. Merci, Alexandra. 8h30. Merci. Oui, 8h30. Tu dis, ben oui, tu me corriges pas, mais c'est faux. Je ne corrige pas, c'est le temps. C'est mensonge. Et voilà. Propagande. Quand tu mets ton cadran une demi-heure plus tôt, tu sais, pour être sûr d'être à l'heure. Aujourd'hui, j'ai mis une demi-heure plus tard que d'habitude pour avoir seulement 10 minutes pour me préparer parce que j'ai dormi comme 15 minutes dans la nuit. Ouais, c'est le fun. On termine l'émission ici. Bah pas oui. Mal le moment. Bah pas oui. Mal l'heure pour terminer ça. On va se retrouver demain entre 7h et 9h. Et Jean-Philippe, est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qu'on a demain à l'émission à peu près? Oui, on a la chronique UQTR qui va être là. Ouais. On va avoir Michel Lebrun, sa chronique panier à salade, juridique. Juridique. Television va être là aussi. C'est moi, c'est toi. C'est moi. Puis plein d'autres choses aussi, de la bonne musique, du plaisir, des petites blagues douteuses. On va s'en compter des affaires demain. Okay, je pense oui. Que ça va être une journée où il va se passer des trucs. Tu penses demain? Hey, aujourd'hui, on est le 22 avril, hein? 2 plus 2 égale 4, puis 13 dans 2013, 1 plus 3 égale 4, ça fait comme 4-4-4-4-4-1-9, ça là. Ben, commande-toi du restaurant de poulet. Ah oui. Une petite cuisse. Non, pas une cuisse, c'est dégueulasse. Une poitrine. Ouais, mais je sais pas, ça dépend. On remercie Alexandre Carignan encore une fois, Simon Fédivé aussi, qui n'a personne d'autre. Nous. Ben nous. Hey, merci Mathieu pour tout ce que tu m'as appris dans C'est un fait. Ça fait plaisir. Merci d'avoir aidé à la chronique Ajoute ça à ton agenda. On amène du nouveau une fois de temps en temps, on aime ça. Ça fait plaisir. On se quitte avec une dernière pièce, pourquoi pas? Je pense qu'on devrait y aller avec une pièce de The Vaccines, Teenage Icon. Ben, c'est une très bonne idée, ça. C'était bon, on dédie ça à toutes les vedettes comme Zooey Deschanel, qui sont plus tellement adolescentes, mais qui ont l'air d'eux. Elles sont jeunes, là, ça n'a rien à voir, ça. À demain, Mathieu. C'est une image, ça.